13 contre le monde. Les 13 étaient rassemblés en cercle autour du feu de camp sur les plages sablonneuses d'un lac mort depuis longtemps. Une vieille cabane de chasse résistait sur la berge, ses carreaux reflétant l'éclat des chandelles à l'intérieur. Les branchages encore nus vacillaient à proximité, entremêlés sous un ciel où brillaient les étoiles dans toute leur splendeur. Ruby lança une bûche dans le feu, envoyant une nuée de tisons dans l'air nocturne. La lueur des flammes révéla les flocons de neige tatoués sur ses avant-bras, ainsi que la boîte noire du Pickline, distribuant des antibiotiques automatiquement dans sa veine. Impassible, elle scruta les flammes un instant, la peau blanche comme de l'aspirine, les lèvres de la teinte du sang séché, les paupières badigeonnées de mauve. Elle se rassit sur la bûche, frissonnante. Sans réfléchir, Ruby porta l'inhalateur de V à sa bouche et inhala une dose. La drogue lui donnait des forces. Pour l'instant. Fibromyalgie, diabète, une panoplie de désordres auto-immunitaires. Elle avait été malade toute sa vie. La plupart des gens souffraient de maladies chroniques, mais Ruby était le canari dans la mine de la civilisation, un présage de ce qui attendait tout le monde, les pauvres en premier. X s'approcha et l'enlaça d'un bras. Cheveux longs comme des plumes de corbeau, chemise noire, très livide et cadavérique, il se fondait dans la nuit. L'ordinateur fixé sur son bras gauche, de même que les hautes bottes en cuir qu'il avait aux pieds, était d'un noir de jais, complètement mat. Seuls les yeux du hacker, quoique perpétuellement cernés, luisaient d'une intensité où se reflétaient les flammes. 13 contre le monde. Svet, Hans, Nielsen, Ruby, X, ainsi qu'une poignée d'autres camarades qui se côtoyaient depuis au moins 10 ans. 10 ans, c'était un minimum, un des seuils fixés pour éviter d'inviter des infiltrateurs. À l'exception bien sûr de Chisque, la vagabonde qui ne connaissait personne. Elle avait été plutôt silencieuse jusque-là, ses yeux errants, ça et là, scrutant chaque détail. Ses longues tresses retombaient par-dessus un long manteau en peau de chevreuil. L'arbalète reposait à ses bottes en signe de bonne foi, mais le pommeau d'une machette restait visible par-dessus son épaule. Cela n'était rien. Les vagabonds ne venaient jamais seuls, et ses compagnons resteraient à l'écart, furtivement dans les bois. À moins qu'elle n'ait besoin d'eux. « Qu'est-ce qui est arrivé à Moll ?» s'enquit Svet, derrière son masque en porcelaine. « Interrogé pour complot, » répondit sèchement X. « Kidnapping, » précisa Ruby. « Le ministre des Finances, pour l'échanger contre des camarades qui pourrissent à Bordeaux. » Un moment de silence suivit. La nouvelle était pénible. « Alors, on peut commencer ?» suggéra Nielsen, pragmatique. Tous acquiescèrent. « Hans !» ouvrit Svet. « Tu veux y aller ?» Hans voulut commencer à parler, mais réalisa que ses mains tremblaient. Une autre étape du plan était franchie. Le vertige le prenait. Il avait répété tout cela 1000 fois déjà. Mais ce n'était pas pareil. Les implications étaient denses. Les ramifications... impossible à quantifier. Bien, réussit-il à prononcer après avoir pris une grande respiration. Ça commence avec un constat. On va nulle part, on va tous y passer, un à un. Le seuil des 2 degrés est derrière, c'est foutu et blablabla. Tout le monde le sait. C'est la famine, les inondations, les camps. 200 ans plus tard et le mouvement anarchiste perd toujours. Hans lut le langage non-verbal des siens, comprit que personne n'allait le contredire. « Je vais pas critiquer ce que les nôtres ont fait avant. Ça sert à rien. Mais je vois qu'on est rendu au point de non-retour. Les variables changent, la technologie progresse et l'air s'envenime. Bientôt, rien sera plus possible et les riches vont nous cannibaliser jusqu'au dernier. Ils seront toujours plus forts, toujours plus armés, toujours plus efficaces et en meilleure santé. » Les yeux d'Hans se posèrent sur Ruby, qui hocha de la tête. « Mais vous savez déjà tout ça, » continua-t-il. « Ce qu'on propose, c'est de changer de tactique. On entre dans un mode insurrectionnel total. On se coordonne et on les frappe de côté, là où ils sont faibles, là où ils s'y attendent pas. On frappe. Et fort. » Hans regarda ses deux amis avant de poursuivre. « Nous, notre choix est déjà fait. On n'a pas envie de vivre dans le monde qui s'en vient. On va tout y mettre, et tant pis si on y passe. Si vous êtes du même avis, alors on se coordonne en cellules autonomes. On fixe des dates, on priorise les objectifs. Ensemble, on a peut-être une chance de tout foutre en l'air. » Nielsen choisit ce moment pour présenter une grande caisse en plastique qu'elle avait déterrée plus tôt. Elle la posa sur le sable, l'ouvrit. À l'intérieur luisaient une douzaine de pistolets. Chinese Arsenal 56, des clones chinois de Makarov, avec autant de chargeurs et deux boîtes de balles. « Mon grand-père était dans le Parti communiste révolutionnaire, » précisa Nielsen. « Il a planqué tout ça ici en pensant que ça servirait le grand soir venu. Je sais pas s'ils peuvent encore tirer, mais je suis prête à parier. »« C'est tout ?» demanda Ruby, peu impressionnée. « On est censé partir en guerre avec ça ?»« Modèle insurrectionnel, » répéta Hans. « C'est juste un levier. Après ça, on va chercher encore plus d'armes. Et du fric, de l'information. On développe notre edge, d'un coup à l'autre, jusqu'à l'archéologie. C'est possible. On a prouvé qu'avec un peu de coordination, on pouvait faire tomber un behemoth. À partir de là, c'est le gouvernement, les banques, William Saint-Onge. Fuck, toute la civilisation industrielle. » « Une belle idée !» ponctua Ruby, sarcastique. « Mais ça durera pas 2 semaines. On va se retrouver avec 10 000 flics aux fesses et ils vont nous éclater la cervelle. » »« Le calcul est fait, » contra Hans. « On peut reprendre la supériorité stratégique. Les fascistes ont des angles morts et c'est exactement là où on s'en va. Je sais que vous avez besoin de quelque chose de concret. C'est ce que nous proposons. » Des regards s'échangeaient autour du feu, incertains. X et Ruby n'avaient pas l'air convaincus, les autres camarades non plus. Hans cherchait péniblement les mots, n'arrivait pas à les trouver. « On sait exactement par où commencer, » avoua difficilement Nielsen. Elle avait détourné le regard, le posant quelque part dans l'espace noir, entre les étoiles. Il fallait commencer par O'Regan. C'était le levier parfait. Nielsen le connaissait bien, trop bien, et ne put retenir un frisson d'appréhension. Sved vint passer un bras autour de ses épaules, sa compassion évidente malgré l'expression terne du masque. Hans annonça les détails. Quelques échanges suivirent jusqu'à ce que X lève le ton. « Vous êtes cinglé, » ajouta X sur un ton neutre. « Camarades, clairement, c'est un plan de merde. » Ruby avait la tête baissée, tâtonnait le tube de son pickline. Un spasme lui secoua l'échine. Discrètement, elle se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Ce dernier consentit, haussa les épaules avant d'ajouter « Mais il faut ce qu'il faut. » Un tour rapide autour du cercle révéla 12 visages acquiesçants, se tournant peu à peu vers la 13e, la vagabonde silencieuse. Et Chisque souriait, un sourire comme le soleil levant.